Allô? Allô? Qui parle? Est-ce que... Qui parle? Allô? Est-ce que c'est un appel obscène? Et si on va vous déclarer à la police? On va appeler directement la police, on ne sait pas qui parle. Allô? Monsieur, Gaétan de Brisebois a pris l'appel tout à l'heure. Ça fait 15 minutes que vous appelez. Vous faites deux soupirs, vous raccrochez. On trouve ça tout à fait louche. C'est pas parce que notre émission est déjantée, monsieur, que... Allô? Monsieur, s'il vous plaît. Un peu de... Voyons donc, 15 janvier 2018. Un peu de décorum. C'est inadmissible, inadmissible aujourd'hui d'entendre encore des soupirs fiévreux. Êtes-vous l'étoile noire, monsieur? Si vous l'êtes, on vous a localisé. On sait où vous êtes. L'étoile noire! Juste en haut de la rivière, là. Oui, il y a la lune triplex. Il y a la Grand Ourse, ça c'est très connu, là, c'est mon... j'ose même pas vous la montrer, là. Pourquoi vous nous appelez puis vous parlez pas? Je le sais, je le sais. Ah, bon, voilà, merci. Gaétan, Gaétan m'a fait une allusion et c'est passablement intéressant. Je vous en fais le témoignage. Peut-être que monsieur est gêné, pour ne pas dire intimidé, peut-être plus gêné qu'intimidé, parce qu'intimidé peut-être pas, mais gêné de ne pas avoir renouvelé sa carte de CKRL. Même si vous êtes une étoile noire, mon cher monsieur, faux! Sans aucun prétexte! Renouveler sa carte de membre de CKRL. Que vous soyez l'étoile noire entre la Grande Ourse et la Petite Pette. La Petite Pette, là, c'est juste... oui, c'est la flatulence. Parce que entre ours, là, croyez-moi, on dit qu'ici, sur Terre, là, les vaches, c'est elles qui donnent le plus de problèmes à l'environnement. Au niveau de l'air... oui. Respirable, exactement. Mais en haut, là, le grand ours, les ours, c'est pas des oursons, là, mais quand ça loge des... C'est pas... C'est pour ça qu'ils appellent ça. Je sais pas si vous vous en souvenez. Vous avez-vous des connaissances là, en aéronautique? Non? Bon. Vous êtes bien bizarre, vous. Ouais. Ben oui. Le trou noir? D'où vient le trou noir, vous pensez? C'est des ours en haut. La grande et la petite ours. Petite ours, c'est des grands ours. Ils sont pas juste dans les contes, là. Ils sont au firmament. Et nous voulons, s'il vous plaît, histoire de vérifier si tout est ce que l'on croit. Ah, oui, madame, vous avez raison. Si vous voulez, monsieur l'étoile noire, nous refaire encore vos... OK. D'accord. Ah, mais là, c'est... Oui. Alors, si vous ne saviez pas, monsieur, nous avons filtré votre appel. On sait qui vous êtes. Nous allons envoyer des ovnis pour vous arrêter et vous ramener sur Terre au plus grand plaisir de vos fans, de vos femmes et de vos hommes, de vos enfants et tout le reste. Donc, nous allons vous chercher, mon cher monsieur, et avant la fin de l'émission, vous allez nous faire une chanson. On va vous descendre de là. On connaît le chemin. On sait où se trouve le trou noir. Ma voix comme oui. Hein? C'est les interstices. Quand la voix se glisse dans les interstices, c'est pas juste un trou noir. C'est dans les silences audacieux. 15 janvier 2018, Gaétane. Non, on va l'avoir. Écoutez, ça peut pas. Ça restera pas comme ça. Ça, j'aime ça dire. Ça restera pas comme ça, monsieur. Non, non, non. Oh, soupirez comme. Soupoudrez-vous le nez, nous arrivons. Spécial dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. C'est déjà étrange. C'est déjà baroque. Et le rock n'a pas encore joué sa première note. Mais aujourd'hui, nous nous sentons comme un volcan bien allumé. Le 15 janvier 2018, monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Mais avant tout, nous avons retracé l'homme. Nous l'avons descendu sur Terre. La preuve. We'll be right back. like a dude. Hold your man as I cry. 'Tis a pity she was a fool. 'Tis my fate, I suppose. For that was patrol. That was patrol. 'Tis a pity she was a fool. De son album Black Star ou Star Black. Non. Hey, moi, ça n'a pas de professionnalisme. Black Star. Parce que mon anglais est tellement nul à Star, nul à Steel. À Steel or Stool. Comment ça va, vous autres? Introduction assez audacieuse, comme toujours. Émission tout autant. Émission tout autant, ben tout autant. Nous serons à la mesure, comme je le dis souvent, à la mesure de notre démesure. Et, merci. Avez-vous entendu le trait de génie? Ça fait tring! Non, on n'a rien entendu. On n'a rien. C'est toujours, toi ton problème, là, c'est ce que ça se passe uniquement dans ta tête. Les gens ne peuvent pas bénéficier, c'est dans ta tête. Ça reste cloisonné, ça reste bouché, ça reste bloqué, ça reste caramélisé. C'est pas fluide, c'est pas liquide, c'est pas, ça coule pas. Tu serais le genre, toi, à faire bouillir de l'eau puis à la faire coller dans la poêle. Eh bien, c'est bien certain que moi, quand je prends ma douche, je suis pas habillé puis ça coule sur mon poêle. Mais non, la poêle à frire, arrête donc, toi, il y a un poêlon dans le poêlon, le poêlon, c'est les chansons d'amour. Monsieur, tu fais jamais de la cuisine, là. Ben, je fais de l'aquarelle, mais je fais pas de la cuisine, j'ai essayé, hein. Mais ça fait pas des belles couleurs, hein, la cuisine. En plus, moi, on appelle ça de la nouvelle peinture. Hein. C'est comme tout ce qui est nouveau. On va laisser le travail se faire, là, puis surtout les ébauches. Quand les ébauches seront débauchées, bien là, je vais peut-être m'y intéresser. Mais on va attendre qu'on... oui, exactement, qu'on défriche. Moi, quand on n'a pas défriché, on dirait que ça peut... Je peux perdre mon temps là-dedans, là. Au moins, quand il y a quelques personnes qui s'y attardent, tu sais, qui réfléchissent au nouveau mouvement, bien là, puis surtout quand ça génère quelque chose de nouveau, d'intéressant, mais là, peut-être que je peux me lancer. Mais je suis pas le premier, moi, là. Je suis pas l'ambassadeur. Je suis pas le... Non. Pas Jacques Cartier de mon époque. Ah! Puis pour moi, là, pour vous, je ne sais pas. Pour toi, mon ami, j'en ai aucune idée. Mais pour moi, la vie est tellement courte. Est-ce que ça vaut la peine de commencer à défricher, de se tromper de chemin, de retrouver son itinéraire et de recommencer? Moi, le Sisyphe, là, c'est bien beau, le Sisyphe. Moi, j'aime bien le Sisyphe. Moi, Camus, j'ai pas de problème. Il s'est tué en frappant une platane, un poteau, un insignifiant de poteau. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Qu'est-ce qu'il faisait? Il fumait sa clope, est tombée dans sa voiture. Là, il a voulu l'éteindre. il a peut-être craint de passer au feu puis de faire exploser sa voiture. Mais non, il est mort dans un accident. Pow! Ah oui, donc! Je ne sais pas s'il est mort sur le coup ou il est mort en prenant un coup. C'est pas moi qui bourré, c'est la salle. Pas pire, hein? Gainsbourg. Puis qu'est-ce qu'il disait là encore, mon ami? Serge. Il disait, quand il a fait sa tournée, je pense que c'était sa son deuxième spectacle. Le premier, c'était Reggae. Le deuxième, c'était après Love on the Beat. Il en a fait un troisième après You Under Arrest. Mais bon, celui-là, on va l'oublier. Mais le deuxième, c'est la publicité. On voyait l'album de Gainsbourg, Love on the Beat. Là. Et c'était... Ça, c'est... J'ai pas l'air intelligent quand je réfléchis, là. Je le vois devant son affiche. Je me vois déjà en haut de l'affiche. C'est pas moi qui étais... Comment il disait? La tarte est pleine. La tarte est pleine, garnie les plus. Non, c'est pas ça qu'il disait, Gainsbourg. La tarte est pleine, garnie les... Je m'en rappelle. Hey, c'est pas facile, là, hein, tu fais de la musique. Puis il dit, c'est ma tournée. T'es comme dans un bar, là, le gars, il dit, hey, c'est ma tournée, là, tout le monde, hein. Mark Twain. Pourquoi qu'il s'appelle Mark Twain? Pas Gainsbourg, mais l'écrivain Mark Twain. Le dramaturge Mark Twain. Ça, c'est un surnom. C'est un nom de vedette. Hey, un écrivain qui se donne un nom de vedette. Personne lit, personne n'est capable de défricher un texte. Quand il n'y a pas d'image, hein, c'est compliqué. The wind that never comes. In love, sageless, the mothers milk their young. But I can keep running, no, oh, I can keep running. The law of sages hang out by the bar. Burn the pages of unwritten memoirs. But I can keep running, no, oh, I can keep running. Sunset superstars, girls in cages playing their guitars. But how can I leave? I just follow the hood of my car. Oh, in Los Angeles, the waves they never break. They build and build until you don't have no escape. But how can I leave? I just follow my to the sea, go to sleep. How can anybody have? try to write you a love song, but it comes out of a mint. I guess that's just me, honey. I guess that's how I'm built. I try to tell you I love you, but it comes out all sick. I guess that's just me, honey. I guess that's how I'm built. I try to write you a love song, but it comes out of a mint. I try to write you a love song, but it comes out of a mint. Try to write you a love song, but it comes out of a mint. Come on. je vais lire un extrait de Raphaël Anderson. Connais-tu Raphaël Anderson? Ben non, hein? Connais-tu Virginie Despentes? Oui, hein? Un peu moins. J'aime-tu quelque chose, Virginie Despentes? Et là, ben là, tu viens de me dire que tu vas me lire un extrait de Raphaël Anderson. C'est quoi le lien entre les deux? Puis là, en même temps, c'était même pas prévu. C'est parce que j'ai le livre sous les yeux. Et je dis pourquoi pas. Un extrait très, très court, très, très court. Peut-être deux phrases. Malgré tout, ce tournage m'a offert quelque chose d'important. Dalila. Avant de partir, elle m'embrasse et me fourre sa langue au vu de tout le monde. Ça me plaît. On se quitte comme ça. Mon taxi est là. Retour à Paris. Lisez ce livre-là, c'est super intéressant pour les gens qui sont pas prudes, là. Ah mon Dieu, elle lui a mis la langue dans la bouche. Ah oh, mon... Puis vous en avez une langue dans votre bouche? Est-ce que c'est pornographique, ça, votre langue dans la bouche? Pas parce que quelqu'un a une langue, il veut faire partager sa langue à l'autre. C'est tout à fait normal. La langue de chez nous au Québec, on veut-tu la faire partager, notre langue de chez nous, quand on va à Paris? On enfreint-tu du monde pour dire « Hey, si tu veux goûter ma langue, ah ouais, vas-y! » C'est la langue de chez nous. C'est une langue belle avec des mots superbes. Mais là, celle-là, c'est Raphaël Anderson. Bien sûr, c'est un surnom, c'est pas son vrai nom. C'est une comédienne porno. Tu connais ça, le porno? Bon, c'est une comédienne porno qui a joué dans un film de Virginie Despentes qui a été avant ça un livre qui s'appelait... Eh, hey, monsieur, à qui je parle, là? Allô, y a-t-il quelqu'un? Allô, Virginie Despentes? Baise-moi! Son grand succès, baise-moi! Tu vois, je monte dans les octaves, moi, là. Je suis capable de monter dans les octaves! C'est comme dans une montagne russe, hein? Je monte, je descends, là, je monte, là. Comme ça, là. Là, je descends, là. Mais je peux monter aussi! Ça dépend quand je arrête de dire que ça dépend, mais c'est vrai! C'est vrai, c'est jamais pareil! Quand le téléphone sonne, je dirais pas « Allô! » Mais non! Allô? Ou « Allô? » Puis là, quand c'est une jeune fille, puis « Est-ce que Randall est là? » Oui, c'est moi. Randall? Oui. Renal? Oui! Renal? Oui! Oui! Hein? Plus je graphique, là, je me sens comme un chat. Rouin! Rouin! Rouin! Ouais! Reparle! Va plus loin dans ton vocabulaire, dans ta pensée. Tu m'as pas appelé pour dire Renal, Renal, Renal, puis t'as pas raccroché. T'es pas comme David Bowley. David Bowley qui soupire deux, trois petites notes, puis après ça, hein? Ah, vas-y, mon David, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, hein, David lui fait ça. C'est son plaisir. Bon, dans la vie, il faut prendre nos petits plaisirs. Il faut arrêter de voir ça magique, hein, d'un côté gigantesque à l'existence. Il faut juste prendre des petits plaisirs. Tu vois l'eau qui tombe, qui perle sur ta fenêtre. Tu es inspiré. Tu prends ton crayon. Tu fais un dessin ou tu écris. Ou tu fais des ondulations, tu te laisses imprégner parce que tu vois, tu compliques la vie. Il y en a une qui disait, ouais, la vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien. La vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien. C'est la chanson du quotidien. C'est un sourire ou une larme. La vie. Hey, pensais-tu chanter ça? Non, non, je pensais pas. Non, je pense pas, moi. Hey, wow. Le jour où je vais penser, là, je vais me bercer en même temps. Penser, bercer, je crois que ça va bien. Parce que je vais surtout prendre une vieille chaise qui fait du bruit. Il faut se laisser envelopper par le bruit. C'est important. L'environnement sonore. Quand tu fais du ménage, hein, quand t'es poussette, ben t'écoutes la musique qui te plaît. Tu te fais pas souffrir quand tu laves ta vaisselle. Tu vas pas te placer de la musique, des bon. Tu t'automotives. Tu t'automotives. Le train du Nord a perdu le Nord. Non, mais c'est comme ça. Raphaël Anderson, Art, un beau livre. Vraiment un excellent livre. C'est pas cher, c'est à peine 6-7 $. C'est dans le livre de poche. C'est bien pour une, pour une fille qui fait de la porno. Puis l'autre qui joue avec, dans le film des Virginie Despentes, dont j'oublie le nom, malheureusement, le nom d'emprunt, mais elle s'est suicidée. Eh bien, voilà. Il y a des gens qui vivent des moments difficiles et elle en a peut-être arraché, comme on dit. Comme on dit chez nous, on dit arraché. Hein? On dit pas tirer, on dit pas extraire. Non, on dit arraché. On s'arrache. Comme un dentiste. Vous savez que le travail, un des boulots les plus difficiles, c'est dentiste, hein? Le travail où il y a de plus de suicides, c'est les dentistes. Être dentiste, pas facile, là. Hey, tu vois un patient impatient devant toi. « J'ai mal aux dents, ça fait 2 semaines. Je sais pas si vous allez le trouver, là. Vous allez m'arracher ça. » Puis là, ça coûte cher, là. C'est pas donné d'aller chez le dentiste. Le pauvre homme arrive, là. Pas celui qui a mal. Celui qui va soigner. Puis il se fait injurier. « Hey, j'espère que ça ne coûtera pas trop cher. » Ben là, écoute, faut ce qu'il faut. J'ai pas d'argent, moi. Ben moi, là, pas d'argent. Regardez ce que je peux faire, là. Ben. Traitement de canal. Ah, ben, je vais nous rejoindre. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Ben, l'arracher. Voyons donc. C'est vos palettes. Les palettes, quel genre de palettes? Lui est-il une bonne palette de chocolat? Non, mais les palettes, on appelle ça... Penses-tu qu'un denturologiste, d'un dentiste, va te parler de palettes? Ça dénonce, ça, là. Tu sais, la gencive, c'est pas une dent, une gencive, c'est en haut des dents, c'est ce qui accroche là-dedans. Ben non, ce qui accroche là-dedans, c'est sans doute la racine. Tu sais, je suis pas trop intelligent, là. Mais il me semble que la racine, est, hein, c'est l'arbre, les racines. L'arbre, c'est la dent, puis les racines, ben c'est les racines, tu sais. Hein, monsieur de monsieur. Ouais, les dents, c'est les dents, puis les racines, c'est les racines. C'est compliqué avec lui, là. Il me semble que c'est une simplicité volontaire. Oh, c'est très volontaire. De ma part, là, c'est plus que volontaire, là. C'est voulu. Pourquoi c'est voulu? Ben, c'est parce que des fois, là, je me coupe le cheveu en quatre. Puis quand je me coupe le cheveu en quatre, j'essaye de savoir pourquoi je l'ai fait. Et puis, je le trouve jamais. Voyons donc, toi. Je suis dans un tumulte, là. Je suis à la recherche de, puis je trouve pas. Je continue à voir ce qu'il y a à voir. Puis quand il fait noir, ben il n'y a pas grand-chose à observer. Juste avant de passer à mon invité, il y a des artistes qui font des albums, puis malheureusement, ils décèdent, comme la Black Star. La Black Star, comme disait Gainsbourg. C'était quoi, là? Hey, on revient à Gainsbourg souvent. Hein? C'est Yellow Star, lui. J'avais ma Yellow Star, j'avais ma Yellow Star. Mais là, quand il y a des artistes connus et reconnus qui décèdent, après, il y a la maison de disques qui détient les pièces musicales. Et quand le chanteur, auteur, compositeur, interprète présente son disque au public, surtout quand c'est le dernier, par exemple Les Marquises de Jacques Brel, ben, lui en a choisi des pièces qu'il voulait proposer à son public, au public en général. Et là, la maison de disques attrape la maquette. Puis là, il dit « Ah, oh, hey, il a fait ça! Puis pourquoi qu'il l'a pas placé? Nous, on va la proposer au public! » Dans une compilation ou dans, je sais pas, l'intégralité de son œuvre. Mais lui, il a pas voulu. Pourquoi il a pas voulu? Ben parce que peut-être, selon lui, c'était pas accompli. À nous de juger. Quoique juger est un mot peut-être excessif, mais à nous d'entendre ce que Brel voulait pas que l'on entende. Ils n'ont plus rien à se maudire. Ils se perforent en silence. La haine est devenue leur science, les caries sont devenues leur rire. L'amour est mort, l'amour est vide. Il a rejoint les goélands. La grande maison est livide, les portes claquent à tout moment. Ils ont oublié qu'il y a peu, Strasbourg traversée en riant, leur avait semblé bien moins grand qu'une grande place de banlieue. Ils ont oublié les sourires qu'ils déposaient tout autour d'eux. Quand je te parlais d'amoureux, c'est cela que j'aimais décrire. Vers midi s'ouvrent les soirées. Et brèche quelques sonneries. C'est toujours la même bergerie, mais les brebis sont enragées. Ils rêvent d'anciennes maîtresses. Elles s'inventent son prochain amant. Ils ne voient plus dans leurs enfants que les défauts que l'autre y laisse. Ils ont oublié le beau temps où le petit jour souriait quand il lui récitait Hamlet, nu comme un ver et en allemand. Ils ont oublié qu'ils vivaient à deux, ils brûlaient mille vies. Quand je disais belle folie, c'est de ces deux que je parlais. Le piano n'est plus qu'un meuble. La cuisine pleure quelques sandwichs. Et eux ressemblent à deux derviches qui toupient dans le même immeuble. Elle a oublié qu'elle chantait. Il a oublié qu'elle chantait. Ils assassinent leur nuitée en lisant des livres fermés. Ils ont oublié qu'autrefois ils naviguaient de fête en fête, quitte à s'inventer à tue-tête des fêtes qui n'existaient pas. Ils ont oublié les vertus de la famine et de la bise quand ils dormaient dans deux valises. Mais nous, ma belle, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ah, mon Jaco, mon Jaco, mon Jaco, je vais bien, je vais très bien. J'ai enterré le grand Jojo. Pas le petit Jojo, le grand Jojo. Puis, ah, oh, c'est pas très réglo, hein. Le, ah, le temps est long, le temps est long. On se l'étire. On s'étire le temps, imagine-toi. On veut pas le casser, donc on vérifie si tout en l'étirant, ça va quand même tenir. C'est important que ça tienne. Quand ça casse, ben, c'est le fil arrière, c'est pouf. On s'en va voir la Black Star. Et le Jaco. Mes deux crapauds. Ribbit. Ribbit. Ribbit. Revenons sur Terre. Aujourd'hui, le lundi 15 janvier 2018, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour d'un groupe. Bembo. Le groupe Bembo. Là, je m'arrête. Parce qu'ils frappent à la porte, ils veulent parler, ils veulent s'exprimer, et surtout leur leader, Jean-Pierre. Mais c'est pas Jean-Pierre, non, c'est Jean-Pierre Bembo, la suite de la fuite de la semaine dernière. Comprenez-vous un peu l'astuce, là? Vous comprenez? Comprenez-vous? Monsieur! Comprenez-vous? Ce qui se passe ce soir! Cette nuit! À minuit 39 et 28 secondes, voilà, on y va. Pour la cassette. Gaétan, pour la cassette. C'est ça. Pour la cassette. Merci. Bonne soirée. Hey, Cindy. You wanna dance with me, Cindy? Hey, Cindy, come on. Come on, let's dance. Oh, baby. Move it on in, baby. Oh, Cindy, Cindy. Oh, I know, Rich. Yum, yum. I'm your next boyfriend. Oh my God. I'll be waiting for you. I see in the airport. I drink a lot of beers with my friends. I'm rugby man and I like it so much. I love kangaroos, surf and beach. Et j'aime beaucoup en Brazil et français. But I'm not a bushman. What? I drink a lot of beers with my friends. I'm rugby man and I like it so much. I love kangaroos, surf and beach. J'aime beaucoup en Brésil et français. Hey Sandy, you want this with me, Sandy? Come on. Oh, come on, Sandy. Baby, hey. I don't care, I forget. Paid, paid cash, cash. the cops. And the ways ignore the amounts. Shake the money tree, cash machines are free. Enjoy plastic money to get a pure body. Feel my cash honey, spend it freely baby. Just have to name it and then I pay it. Never shake my bank accounts. And always ignore the amounts. Net ads and TV, new needs endlessly. Cash out from my pockets, drink card from my wallet. Please sell me goodie, or I get moody. Don't get the money, I'm getting crazy. Buy big cash in my buying machine. Buy big flash, shake the buying machine. Buy big cash in my buying machine. Buy big flash, shake the buying machine. Money. Spend it to be happy. Mais par contre, on a aussi un site internet qui s'appelle bimbo.com. Oui, oui, oui, que j'ai visité. Ouais. Et voilà. Alors là, si tu vas sur la partie concert, oui, tu verras justement tous les thèmes qu'on a okay. fait. Et à chaque fois, il y a une petite explication du thème, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce concert, et des photos un peu barges. Tu vois, on a fait un thème sur le camping un jour. C'était Bimbo Camper, parce qu'à chaque fois, on trouve un lien. Ouais, ouais, ouais. Et Bimbo Camper, on était tous habillés en camper, avec les bobs. On avait fait sécher du linge, ah, tu oui, sais, oui, des oui, slips. Des fringues, et il y avait un hamac, il y avait un guitariste qui jouait dans le hamac. Ah, pendant oui, le concert. Oui, à la cool, ouais. À la cool. Donc, et c'est... quelqu'un faisait cuire les steaks. Sans ben voilà, les... on a fait un concert sur la Bretagne, ah, où on a fait des crêpes pendant le concert. Ah, c'est bon. Enfin, on a fait comme ça plein mais de... Mais les concerts, est-ce que vous en faites plusieurs par année? Oui, oui, oui, oui. Alors, ça dépend des une années. Une vingtaine, une trentaine? Écoute, il y a des années où c'est ça. Là, cette année, c'est moins. Pourquoi? Mais, parce que moi, avec mon boulot, en ce moment, je bouge beaucoup okay. dans toute la France. Et qu'on a un petit peu moins de temps. En plus, il y a les musiciens qui sont papas. Ouais, donc, ils ont chacun plusieurs ouais. enfants. Donc, c'est pas facile, quoi. Mais, tu vois, on a fait la fête de la musique sur une péniche sur le quai de Seine. On ah, a... Ça, c'est quand, c'est au mois de juin? Ça vient de passer, c'était okay. le 21 juin. Ah, ouais. Ouais. C'est toutes les... On a la fête de la musique, vous devez la voir aussi, j'imagine. Oh, oh, oh, oh. Et donc ça, c'était notre dernier concert. Après, il y en aura probablement à la rentrée. Mais il n'y a rien de préparé encore. Non, il n'y a pas non, d'agenda. Non, il n'y a pas d'agenda. C'est tellement variable en fonction de nos déplacements. Et puis des... Faites-vous beaucoup de festivals normalement l'été? On fait des festivals. L'an dernier, on était en Allemagne, à Fribourg, au festival de l'agriculture. Tu vois. Et qu'est-ce que ça donne? Ah, c'était génial. Ils étaient très surpris parce que là, on est arrivé avec nos costumes de fleurs pour le festival agricole. Ah, sais, oui, c'est bon. Sur la nature. Donc, avec nos chapeaux pleins de fleurs, alors les gens nous regardaient un peu comme des martiens. Mais ils sont sympas, les Allemands. Ils sont ouverts. Ouais, à tout, ils sont ouverts. C'est ouais, vraiment ouais, gens... ils sont ouverts. Est-ce que lorsque tu travailles la musique depuis 14 ans, est-ce que tu sens l'évolution? Oui, oui, oui. Oui, moi je sens l'évolution. Tu vois, quand j'ai commencé, quand j'étais gamin, j'apprenais tout seul. Donc ce que je voulais, c'était être le meilleur techniquement. Donc je travaillais les solos, la technique. Et puis, passé quelques années, je me suis dit, maintenant, moi, ce que je voudrais plus, c'est travailler la mélodie. Okay. Tant pis s'il n'y a pas 50 notes à la seconde, on s'en fiche, on va être plus sur de la mélodie, sur des choses... Et récemment, bah, tu vois, on est passé peut-être un peu moins de punk rock ou de festif, dedans. De rentre dedans, et des choses plus léchées, plus planantes, plus mélodiques, plus douces, plus accessibles peut-être... au grand public, mais c'est vrai que on garde quand même les deux, si tu veux. On garde un peu de tout, c'est-à-dire que dans les concerts, on a des... Pour plaire à tout le monde, hein, pour les gens qui te suivent depuis 14 ans, il faut pas les c'est décevoir vrai parce que c'est oui, un bon public. Exactement, il y a des chansons qui sont quand même très très énergiques, ouais. Ah, ouais. puis qui vous conviennent encore aujourd'hui. Et ça vous fait du bien, ça vous défoule. Et puis en concert, ça marche à fond. Aussi, dès que tu envoies un truc hyper énergique, les gens dansent, les gens sautent. Voilà. Et en concert, c'est moins facile peut-être de passer des trucs plus soft. Mais on le fait mais quand même. Mais en plein air, c'est peut-être plus facile. Ouais. Parce que dans un endroit fermé, ben là, on s'attend à quelque chose, mais en plein air, on est prêt, on peut regarder au loin. Et voilà, donc c'est vrai qu'on est, vraiment... c'est pas multicarte, mais il y a plusieurs facettes dans la musique. Et d'ailleurs, ça, on nous l'a reproché. On nous l'a reproché parce que... tu sais, dans les produits musicaux, à un moment donné, d'ailleurs, sur cet album-là, on a essayé de démarcher. Et ça marchait pas. On n'arrivait pas à accrocher parce que les gens étaient perturbés par le fait qu'il y ait plusieurs styles. On peut pas cataloguer, styles, voilà. C'est ça que je te disais tout à l'heure, en ouverture d'émission. Exactement. On peut pas cataloguer. Exactement. Mais si on dit éclaté, on touche à tout. C'est plus facile de dire éclaté, mais il n'y a pas une section éclatée chez le disqueur. Tu vois, mais il n'y a plus de disqueur, donc ça tombe bien. Exactement. Exactement. Et donc si tu avais un morceau qui pouvait peut-être plaire, les autres ne plaisaient pas, ou les gens ne savaient pas trop comment nous classer. Donc je pense que ça nuit. Y a souvent en tout cas dans la communication sur les groupes, tu sens bien que les gens vendent un peu des produits. Tu as cette catégorie-là. Et nous, on est un petit peu à cheval sur tout ça. Mais on devrait fonctionner selon les DVD, parce qu'il y a les inclassables dans les DVD. Ben oui. Dans la musique, on devrait aussi avoir des inclassables. Oui, bien sûr. Puisque pourquoi classer des groupes ou des individus qui ne le sont pas? Ben voilà, exactement. Il faut laisser l'imaginaire aller, parce que si on dit que vous êtes rock, vous allez faire du rock, donc vous allez vous attarder uniquement au rock. On dit que vous êtes... punk ou jazz, vous allez exactement. Et souvent dans les radios, par exemple, les radios sont déjà un peu classées elles-mêmes. T'as la radio rock, t'as la radio rock français, la radio classique, la radio un peu indépendante. Et donc quand t'arrives avec des trucs comme ça, les ça types peut, à quel sens vous voulez non, c'est trop, c'est pas assez ciblé. Donc il y avait ça, et puis après il y a aussi le fait que pendant très longtemps il fallait chanter en français. Et moi, par exemple, sur les textes, il y a beaucoup de textes qui mélangent le français et l'anglais. C'est le franglais qui me dit ça. Ça, les mecs, ils disent, nous, on a besoin de faire des quotas en français, ça va pas, tu vois, ta chanson, elle va pas. Mais il y a des gens qui ont, heureusement, ouvert les portes, Franck Zappa en est un. Bien sûr. Qui, lui, s'est pas attardé, il a fait du classique, il a fait du punk, du rock. Ben oui. Et est-ce que c'est un musicien qui t'a inspiré aussi, Franck Zappa? Alors, Zappa, je trouve que c'est un peu un ovni, Zappa, tu vois, pour moi, en tant que guitariste. Parce qu'il a créé un truc très très particulier et qui est un peu déroutant parfois dans les choix mélodiques qu'il fait, donc c'est un peu pour moi un peu un ovni, mais très intéressant, très, très fascinant. Moi j'étais peut-être plus inspiré par des mélodistes un peu plus classiques, mais par exemple, tu vois, mon guitariste c'était Jeff Beck, pour moi un guitariste formidable. D'ailleurs, je l'ai vu là il y a récemment, c'était extraordinaire. On travaille un son. Le son qui tourne. Il maîtrise sa guitare de mieux en mieux. Les années aidant. Extraordinaire. D'ailleurs, dans la salle, on s'est vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens de nos âges. Ouais, des têtes blanches. Moi, c'est plus peut-être Beck qui m'a vraiment travaillé, notamment dans ma période d'un peu jazz rock. Et voilà, alors après, des influences. Moi, j'écoute tout le temps du rock. Et même aujourd'hui, je cherche à découvrir le plus de choses possible parce que je cherche vraiment. On a Internet, mais c'est fabuleux pour ça. C'est un bon foutoir de n'importe quoi. Rappelle-toi, à notre époque, quand on voulait écouter un groupe, il fallait qu'on aille chez un disquaire, qu'on demande l'autorisation. Est-ce que vous pouvez me passer ça? Et le gars te disait, d'accord, mais alors je t'en mets une, et puis voilà. Aujourd'hui, tu es sur Internet, tu peux tout écouter. C'est un magasin vivant. C'est génial. Moi, j'adore. Est-ce que, quelquefois, il y a des groupes ou des chanteuses qui viennent vous voir en vous demandant des renseignements? Est-ce qu'ils font fausse route? Est-ce que vous pourriez les aiguiller? Est-ce que ça arrive? Non, pas trop. Nous, on travaille souvent avec des groupes. On essaye souvent de jouer avec des groupes, de s'échanger, de les inviter, de faire venir des groupes en première partie. Et il y avait même une époque où je disais, moi, on va faire venir les groupes, mais c'est nous qui allons être la première partie. Et tu vois, alors c'était déstabilisant pour eux. On disait, non, vous venez, mais nous on joue au début, et vous jouez après, c'est vous les stars. Tu vois, comme ça. Alors ça, l'éclairage va se voilà. Diriger vers vous, voilà. Mais c'est vous qui vous invitez. Voilà, et ça, d'ailleurs, il râlait un peu les collègues en disant, mais non, pourquoi c'est pas nous? Je dis, écoute, au moins ça change, comme ça, nous, on vient, on fait le truc, on chauffe, et après, alors, souvent, c'est parce que c'était des groupes qui étaient techniquement vraiment très bons, très élaborés, tu vois. Moi, je me sentais pas de me dire, non, si c'est eux qui jouent, c'est eux les pros. Ils vont se barrer voilà. Avant. Donc, voilà, si vous commencez, ils sont... vont pouvoir se barrer au deuxième spectacle. Voilà. Donc, c'est eux les pros. Nous, on est là pour leur ouvrir le truc. Ah oui, mais OK. Alors, tu retransmettais le flambeau. Voilà, exactement. On vous donne une chance, on vous amène un public. Essayez de faire quelque chose et gagnez-les jusqu'à la fin. Exactement. Et s'ils s'en vont, ben interrogez-vous. Eh oui. Est-ce que je change de métier? Inconsciemment, c'est ça. Ouais. Et puis, ce qu'on faisait beaucoup aussi, c'est de faire jouer des jeunes, tu vois, des jeunes guitaristes qui commencent... Dans votre groupe, tu parles? De les faire, même en première partie, tu vois, de jouer avant nous ou après nous. Et dans le groupe, d'inviter des musiciens, de les inviter en concert. Est-ce qu'il y a beaucoup de musiciens qui se greffent à des spectacles ouais. Dans votre... Oui. Dès qu'on a, on recherche aussi ça, tu vois, sur... Par exemple, sur cet album, pourquoi, on a... Pour vous déstabiliser, pour vous sortir un peu de ce que vous... Pour nous enrichir. Souvent, okay. Et puis parce qu'ils ont parfois joué sur l'album aussi. Là, tu verras, dans le dernier, il y a un violoniste, mais splendide. Oui, tu en as parlé sur les deux albums. Ouais. Alors, le violoniste, il est juste sur le dernier. Okay. Là, c'était le flûtiste. Le flûtiste est sur les deux. Okay. Et le violoniste, tu verras, le gars, c'est un pro. C'est un pro. Alors, il ne peut pas être là tout le temps parce qu'il a, plein de concerts. Il y a des contrôles. Hein. Mais voilà, quand il peut venir, il vient. Spectacle ou sur disque, laissez-vous la place à l'improvisation? Alors ça, on le fait souvent à la fin du concert. Down, down, down. Toujours up on my machine d'amour. Flying high with pourquoi vous êtes un peu plus relâché. Voilà, t'es relâché. Et puis c'est vrai qu'on travaille beaucoup pour être. On va dire, essayer de donner un truc de qualité, parce que quand tu as un métier à côté, tout ça, c'est vraiment un investissement que tu fais en plus. Donc tu te dis, il faut qu'on soit au mieux de ce qu'on peut donner. Et après, le plaisir, c'est justement de jouer, et là, de jouer avec les gens qui sont dans la salle. Et ça. Les gens s'attendent à ça aussi, là, à la fin du spectacle. Oui. Ils vont déraper, absolument. C'est ce qu'on veut, exactement. Le dérapage. Mais ça, on ne peut pas le faire partout, si tu veux. Mais par exemple, on jouait beaucoup sur la jonque chinoise qui se trouve devant la BNF à Paris. Oui, la Dame de Canton, qui s'appelait avant la Guinguette Pirate, que tu as peut-être connue. Oui. C'est un bateau chinois, donc une jonque. Et là, on joue vraiment très très souvent sur ce bateau. On est un peu comme à la maison. Et pourquoi à chaque... c'est inspirant pour vous autres aussi, parce que c'est parce que on adore ce bateau. Okay. Et à force de venir, on a connu petit à petit le propriétaire, le patron. Et moi, je suis beaucoup venu en client. Puis après, petit à petit, on est venu, on a joué. Et maintenant, on joue très souvent là-bas. Et là-bas, on sait que c'est la priorité à la musique. Donc après le concert, on fait la fête en général, on fait le bordel, on fait la fête. Mais après, on ouvre la scène et voilà, qui veut jouer, vient, et on fait des bœufs et on part. On jam. Voilà, on fait du jam. Alors souvent, c'est pas toujours facile aujourd'hui parce qu'ils mettent souvent, après ça fait boîte de nuit si tu veux dans les concerts. Ouais. On concert d'abord et boîte après. Okay. Donc c'est les DJ qui arrivent et on peut pas toujours faire ça. On sait pas où ça va nous amener, dans quelles circonstances on va finir, mais vous avez fait votre spectacle après, tout est ouvert. Voilà. On peut y aller. On peut y aller, sauf quand tu as la partie DJ où le DJ s'installe, alors là ils disent faut arrêter les gars, maintenant on va faire danser les gens. Ah ouais, okay. Et alors là ils mettent un DJ avec des disques. Ah ouais, là c'est fini un peu. Là on peut plus trop faire le bœuf. C'est ça, il n'y a plus de musiciens. Ils sont en numérique. Oui, malheureusement. Ben oui. Est-ce que tu sens qu'il y a un public qui vous suit depuis 14 ans, qui vient de vous voir au concert, puis là, je sais pas, les gars, on vous écoute. Ah oui, bien sûr. Vous faites un spectacle, que vous nous aidez à vivre. Oui, on a un petit public, effectivement, pas très très gros, mais on a un petit public de fans qui nous suivent. Et de femmes aussi, j'espère? Oui. Ok, cool. Ouais. Ça, ben ça aide un peu. Hein? Eh ben oui. Mais pourquoi tu fais des concerts pour te montrer ou tu fais des concerts pour faire oublier les tracas familiaux, les tracas de la vie citoyenne? Tu vois, c'est probablement un peu les deux. Il y a quand même un côté... un côté, on va dire... exhibitionniste. Oui, où tu te montres, tu fais le con, tu déconnes. Moi, j'ai toujours été un peu un déconneur. Et j'aime bien déconner, voilà. Je déconnais à l'école, je déconnais au boulot, je déconne au boulot. Alors, t'étais en retenue souvent? Eh oui. OK. Oui. J'étais toujours en retenue, enfin, très souvent. As-tu passé ton bac, malgré tout? Ah oui, j'ai fait même des études longues, mais j'ai toujours déconné, j'ai toujours essayé de... Pour moi, d'ailleurs, c'était un peu une thérapie. Voilà. C'est la thérapie, l'humour. C'est la thérapie de la vie. Et donc, il y a forcément ce côté-là. Et le côté, bien sûr, on a envie qu'on nous aime, c'est évidemment. Tu vois. Sinon, on resterait dans notre salon à faire ça. Ben hein. Voilà, tu peux faire ça. Le côté partage. Et puis, la proximité avec les gens aussi. Tu vois, souvent dans les concerts, on organise un petit peu des... Comment dire alors, c'est un peu potache, mais parfois, on a fait un concert chinois, le Chinese Bimbo Concert. Eh bien, il y avait, dans le concert, tu avais... On a demandé à qui voulait venir participer à un concours. Le concours, c'était le concours du manger chinois. Okay. Donc, il fallait, on donnait du riz cantonais aux gens et voilà, on leur mettait des brassards, des numéros. Et nous, on jouait derrière. Okay. Et pendant qu'on jouait, les gars devaient essayer de manger style chinois, tu vois, comme ça. Mais c'est pas facile, hein? Et c'est pas facile. Non, c'est... Alors, t'en as un qui mangeait c'est plus facile. Il y avait des culinettes partout. Bref, mais tu vois, l'idée, c'est aussi de faire participer le public et de... Parce qu'ils font partie du spectacle. Voilà, ils font partie du spectacle. Au moment où il y a eu une marée noire aux États-Unis, c'était où il y a eu une marée noire. C'était BP qui avait eu un problème. On avait fait le Bimbo Petroleum, BP Concert. Et on était venu en combinaison couverte de pétrole, tu vois. Et c'est très politique en même temps. Oui, on essaye de rebondir sur l'actualité, tu vois. Couvert de pétrole, sur le concert, il y avait des marques d'essence partout. Et on avait des copines, on leur a dit, vous allez vous habiller aux couleurs du pétrole, ou des marques de pétrole, des pétroliers. et on va vous faire défiler et puis on votera pour vous. C'était les pétroleuses. Okay. On a donc les copines qui ont défilé. Voilà, c'était les pétroleuses. Et ça, c'était des amis ou des gens du concert qui étaient là et on les a déguisés. Et on vous présente maintenant Miss Total et Miss BP Michel, etc. Et elle passait comme ça. Ben oui, c'est nous. Enfin bon, toujours un peu sur la dérision, mais en rebondissant sur l'actualité. Au moment de. Mais c'est aussi de faire réagir le public. Ben oui, bien sûr. Et de réveiller. Bien sûr. Il est arrivé un truc ignoble. Et voilà. Oui, on va en rire, mais en même temps, on va s'interroger. Ben, ils y pensent. Voilà. Ils y pensent. Mais ouais. Est-ce que c'est en même temps difficile de jouer le pit, puisque lorsque tu es invité en dehors de ton groupe à des soirées, on attend de toi de. Oui. Quelque chose et c'est pas, tu sais, t'es pas toujours disposé à faire le compte. Oui, ben oui. Non, c'est vrai, tu sais, il y a des jours où tu te sens pas bien, puis tu as accepté d'aller dans une fête, puis. Et puis ah ben voyons là, qu'est-ce que t'as, pourquoi t'as. Et voilà, et voilà. Et puis faire le con. C'est un double tranchant. Faire le con, ça peut marcher très bien, comme parfois. Tu t'es pas inspiré, tu fais un flop, et puis voilà, ça. Hein, ça arrive. Hein, Oui. Et les gens, ils s'attendent à ce que tu vois toujours bon, tu vois. Oui, c'est comme un humoriste, hein, alors fais-moi rire. Voilà, alors moi, j'ai un pote qui me dit, à chaque fois que je vais venir chez lui, il me dit, amène ta guitare, j'écoute. Non, on peut faire autre chose. Il y en a un qui était très friand, c'est Pierre Perret. Ah oui. Non, c'est pas Pierre Perret, c'est Guy Béard. Guy Béard, oui. À chaque fois que Guy Béard allait chez des amis, puis les amis le voyaient arriver avec sa guitare, oh non, il va nous torcher encore de 2h30 de chanson, il était là avec sa guitare. Ah oui, alors il n'y a rien de pire là. Ah, oui, quand t'imposes ça aux gens. Ah oui, mais c'est ça, hein, Guy Béard, il dit, écoute, je suis la chanson française, je vais vous en jouer. Eh ben oui, ben oui. Mais en même temps, c'est un personnage, Guy Béard. Ben, est-ce que tu te sens proche de ces gens-là ou pas? Non, du moi tout, je me sens vraiment proche des groupes de rock. Ouais. Les chansonniers un peu moins. Les chansonniers moins. Si, Bobby Lapointe, tu vois, ça j'adore. Oui. Bobby Lapointe. Ah, qui torchait vraiment. Ou alors carrément Maurice Chevalier, où là ça remonte. Ah, oui. Je saute une époque. Pourquoi Maurice Chevalier? Écoute, je sais pas, ça me fait rêver. Je trouve qu'il avait énormément d'humour aussi. D'autodérision, et puis c'était une époque où il était un type hyper positif, hyper dynamique, un gars qui est parti de rien, qui était dans la rue. Qui et s'est... ça plaît beaucoup aux gens, hein, les gens qui partent de rien et qui deviennent des... C'est extra. Ouais, c'est extra. Et donc, tu vois, je sais pas pourquoi, et puis j'ai un petit côté nostalgique quand j'écoute ces chansons, musicals, toute cette époque que j'ai pas connue. Mais que tu as imaginé. Oui, j'ai imaginé, ça me rend un peu nostalgique. C'était une époque où, finalement, en entendant toutes ces chansons, tu sens comme une légèreté, tu vois. Ouais. Alors, il a commencé, lui, avant la guerre de 40, donc les premières chansons. Heureusement qu'il était là. Parce que ça a comme désamorcé beaucoup de problèmes. Il était une référence pour plusieurs. Bien sûr. Hey, j'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous amener. Vas-y. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide. Oui. Je serais. Du vin. Oui, mais lequel Je serais un vin d'Arbois. L'Arbois, c'est en Franche-Comté, Jura. Le Pulsar. Mais je ne serais pas n'importe lequel. Okay, le Vieille Vigne. C'est un vin qui est très clair. Très, très clair. Un cépage qui est très clair, le Pulsar, tu vois. Et quand tu le vois, presque limite, c'est du rosé, mais en fait, c'est du rouge. Je te le recommande. Du Pulsar Vieille Vigne. Mais est-ce que c'est... Non. Okay. Non, c'est des vins qui sont abordables, mais très difficiles à trouver parce que ça vient de là-bas. Ah, oui. Mais si tu as l'occasion d'en goûter un jour, de l'Arbois, Pulsar, Vieille Vigne. Voilà ce que je serais. Okay. Je serais un vin qui te donne un petit peu d'euphorie, mais qui est léger, goulayant et qui passe tout seul. Et qui embauche et tout le pack. Si tu étais une ville. Ah, si j'étais une ville, je pense que je serais Londres. Londres. Aujourd'hui ou à l'époque des Sex Pistols Évidemment, peut-être plus à l'époque où... oui, je pense que je serais Londres. Mais même aujourd'hui. Je connais moins aujourd'hui qu'à l'époque, j'y allais plus souvent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça t'intéresse plus ou t'es trop... Non, j'ai pas le temps. Trop de boulot. Mais ils sont un peu fous, les Anglais. Ils ont un peu cette folie. Aujourd'hui, tu trouves encore que ça dérape un peu là-bas? Écoute, je sais pas, mais j'aime aussi le mode de vie un peu à l'anglaise. Tout est différent, tout est étrange chez eux. Tu roules à gauche, ils se font confiance les uns aux autres, ils ont des bus rouges, tout est différent. J'aime bien ça, ce dépaysement et je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment... Ça vient te chercher. Hein? Ça vient te chercher. Ouais. Si tu étais une langue... Une langue. Eh bien, écoute, question difficile. L'anglais, oui. Oui. pour le côté accessible aussi. Bah oui, l'universalité. Universel, ouais. Tu te rends compte, tu parles anglais, tout le monde te comprend partout dans le monde. Ouais. Le français, eh bien si, si, j'aime beaucoup le français. Mais c'est ma langue, donc c'est plus l'anglais tu vois, qui est fascinant de ce point de vue-là. Si tu étais une époque. Si j'étais une époque, je pense que je serais justement dans les années folles, les années 20, entre les deux guerres, tu vois. C'était cette période. Ou alors les 30 Glorieuses aussi, dans les années 60. Oui, oui, oui. Ben, ça a bougé beaucoup. Ah ouais, ouais. Tu vois, après les crises finalement, après les grosses crises. Oui. On se lâche. Ouais. Et on est dans l'insouciance, et en fait trop d'ailleurs, et parce que après, du coup ça redéconne. On se réendort. Et, voilà. Et ça prépare. Et c'est oui. Cyclique. Hein. Et oui. Alors tu sais que lorsqu'on se réendort, on va se réveiller. Eh ben, on va se réveiller, ça va faire mal. Ben oui. Si oui. Tu étais un mot. Un mot. En français. En français. L'amour. Amour. Ah oui. Oui. Ah oui. Oui. Aimer vous les uns les autres. Oui, dans tous les sens du terme. Oui. Si tu étais un aliment. Si j'étais un aliment, le wasabi. Eh bien là, éclaire-moi un peu, là, éclaire-moi. C'est le wasabi, c'est cette petite. C'est cette petite moutarde très piquante verte qu'on met dans les sushis. Ah oui, ok, oui, pour te donner. Wasabi. Ah oui, c'est bien. Oui, amène les verres d'eau. amène l'eau, amène l'oreille aussi. Oui, ça dégage. Et oui, ça, ça dégage. Mais pour la voix, je crois que ça doit casser un peu. Oh, j'en prends pas assez, j'en prends juste de temps en temps. Il ne faut pas en prendre beaucoup non plus. Non. Hein, si tu étais une saison. Une saison, l'hiver. Ah. La neige. Ah ouais, j'adore. La neige. Alors, ici la neige n'importe où. J'adore la neige. C'est ça qui m'a fasciné quand je suis arrivé au, au Québec. Au Québec. De voir. Elle était montréalaise, c'était comme. Oui, oui. Okay. Mais on a été aussi à Québec. Hein. Oh, on s'est baladé un peu partout. Mais tu vois, je préfère, par exemple, au Québec, je préfère 10 fois l'hiver que l'été. Cette ambiance, moi, j'adore ça. Ah oui. Mais les Québécois sont plus chaleureux l'hiver parce qu'on veut se réchauffer un peu. Si tu étais un membre corporel. Écoute, je serais le nez. Il y en a qu'un déjà. Oui. Les oreilles, il y en a deux. Les yeux, il y en a deux. Oui. Et puis tu vois, j'ai toujours. Il y a deux narines. J'ai toujours. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi. Mais il y a qu'un pif. Ah non, excuse-moi. Il y a autre chose qui est unique aussi, Il y a toujours une symbiose. Hein. Oui, le nez ne va pas sans ses narines. Ouais. Non, parce que j'ai toujours été complexé de mon nez. Je trouvais que mon nez était trop long et tout. Ah ouais, mais quand t'es gamin, tu sais. Et donc le nez. Hein? Quand t'es gamin. Et tu vois, j'ai toujours été complexé avec mon nez. Et aujourd'hui, finalement. Il te sert. Bah, il me sert, ouais. Ça me donne une gueule. Ouais. Il y a Gainsbourg qui disait mes faiblesses, j'en fais mes forces. Exactement. Et, ben voilà. Et lui, en parlant de nez, il y avait. Et oui. Et des oreilles. Oui, ouais, mais les oreilles. Oui, mais aujourd'hui, Arthur Ashe. L'homme à la tête de chou, oui, bah ça, oui. Mais Arthur Ashe le copie. Oui. Si tu étais un moment de la journée. À un moment de la journée, je serai le matin. Ouais, Ah, t'es un lève-tôt? Non. À cause de ton travail? Non. Okay. Enfin, oui, je me lève tôt à cause de mon boulot, mais tu vois, j'adore le petit matin, l'éveil, les oiseaux. Voir le soleil se lever, c'est toujours impressionnant. C'est une renaissance quotidienne. Exactement, hein? Exactement. Mais là, depuis quelques jours, on ne voit pas la renaissance. Mais on se l'imagine. Mais les gens sont tellement lumineux. À Paris surtout. Oui, mais partout. Il suffit de voir la lumière. Hein. Il y en a qui ne verront jamais la lumière. Tu m'étonnes. Si tu étais un autre individu. Ah là là, je pourrais être plein de monde. D'ailleurs, on est nombreux à l'intérieur. Oui. Est, d'ailleurs, on se parle parfois, si tu veux. Oui. Il faut pas se battre entre. Non, avec ses mêmes. Non, j'ai mis du temps à. Sinon, ça fait Fight Club un peu. Hein. Voilà. J'ai mis du temps à reconnaître tout le monde, okay. À bien isoler tout le monde. Maintenant, à localiser. On se parle ensemble à l'intérieur. Alors, si en harmonie, le plus souvent possible. Si j'étais une personnalité. Bah, un autre individu, pas une personne. Un autre individu. Ah, écoute, je ne me suis jamais posé la question, mais je serais bien un musicien et encore, mais je serais plein de monde peut-être, je ne sais pas. Une gang de jeunes à toi tout seul. Non, mais quelqu'un qui a fait de grandes choses, ça c'est toujours fascinant. Alors, qui je serais? Gandhi. Ah oui. Et tu en sortirais grandi. Et j'en sortirais grandi. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Écoute, à choisir, je recommencerai pas pareil. Mais aujourd'hui, je ne regrette rien. Dans l'enfance ou Oui. Okay. Bah, moi, si tu veux, j'ai commencé la vie un petit peu à l'envers. Tu vois. Okay. J'étais déjà adulte. Ah oui, comme Brez. Ouais. Gamin. Ça va. Et j'essaierai de changer de. Mais en fait, tu ne peux pas contrôler ta vie. Non. À un moment donné, oui. Voilà. Et bien, voilà. J'ai mis du temps, mais je me suis remis dans le bon sens. Et maintenant, je ne regrette rien. Okay. Donc, je ne regrette pas ce que j'ai fait parce que je pense que j'avais pas trop. J'ai pas fait de choix d'erreur. C'est la vie qui fait qu'elle te place à des endroits, à des moments. Bon. Mais non, je ne regrette rien. Mais par contre, c'est vrai que je recommencerais. Si je pouvais influer sur la vie, ben peut-être que je n'influerais pas forcément moi, mais ce qu'il y avait entourage. Mon entourage, ce qu'il y avait autour. Pour te faire pousser dans un peu mieux. Autrement. Oui. Ouais. Bon. Mais en même temps, c'est ce qui t'a forgé. Et ce oui, exactement. Comme exactement. Et justement, la créativité, ça vient aussi de beaucoup, moi je le de sais, la souffrance, de la souffrance. Ouais. Voilà. Ouais. Donc chez moi, tu vois, je me dis, c'est sûr que j'en ai peut-être bavé par certains moments, mais c'est une richesse. Et c'est une richesse. Et même humainement, d'en avoir bavé, ben, peut-être que t'es meilleur, t'es plus facile pour les autres. Parce que tu comprends davantage. Exactement. Exactement. T'es plus éclairé. Et les gens qui n'ont pas souffert, ben, je sais pas si. Ils sont mielleux, ils sont dans la voie. Ils sont bien. Indifférents, peut-être. Ouais. et on est beaucoup plus permissif vis-à-vis des autres quand on a souffert. Exactement. On comprend plus la souffrance. Bien sûr, bien sûr, tu comprends, tu l'accompagnes, tu la dédramatises. Et... Oui, donc ouais, non, moi je regrette rien, mais au contraire, tu as bien raison de me le souligner, c'est une richesse, c'est une richesse. Et à chaque galère que tu as, tu t'en sors, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui. On dit. Tu essaies de t'en sortir et d'être vainqueur. Et ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Hein. Avez-vous, votre groupe, et toi-même personnellement, avez-vous beaucoup d'actualités ou si le travail, malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, vous étouffe dans une sorte de un quotidien un peu trop... Et oui, c'est-à-dire qu'on on concentre tout ce qu'on a pour jouer. Mmh. Et donc, effectivement, y a tout ce qui nous manque, c'est le démarchage. Et ça, on manque d'énergie pour ça, tu vois, pour le démarchage. En revanche, dès qu'on a des sollicitations, on répond OK, parce que on c'est a des gens qui nous font jouer, bah oui, qui nous disent, même en région, en Bretagne, en Allemagne, tu vois, en Espagne. Mais as-tu des amis musiciens qui, lorsque eux sont appelés, disent aux organisateurs, ah ben moi j'ai un groupe à vous soumettre aussi, là, et c'est vous? Oui, ça arrive, ça. Tu vois, parfois, c'est qui les potes là, du milieu? Ah ben c'est les potes de la vie, c'est des potes musiciens de chacun. On est 6 ou 7 quand tout va bien, là en ce moment on est que 5, mais 6 ou 7 avec chacun des potes. Et forcément comme on est musicien, t'as des potes musiciens. Mmh. Donc tu as un réseau comme ça voilà, c'est tes amis de toujours, plus des amis d'enfance. Plus des amis d'enfance. L'amitié, c'est très fort pour toi, c'est très important. Ah oui. Les copains d'abord, comme disait Brassens. Et même, tu vois, même dans le groupe, ben, on est des potes, tu vois, on est presque une famille. Donc on sait très bien que chacun... Il y a probablement des musiciens qui seraient meilleurs que nous à notre place. Mais comme c'est des amis... Mais c'est la famille, on construit avec ce qu'on est. Et c'est ce que ça, aussi, voilà. Ça donne un son. C'est le fait d'être un virtuose, c'est dans absolument, l'erreur. Que absolument. Il faut arrêter de voir la perfection. Et justement, nos imperfections nous servent aussi dans le groupe. Oui, c'est ça. Tu vois, moi je sais que... Les faiblesses sont mes forces. Moi et le batteur, on est très très punchy, très, très dynamique. Mais notre imperfection, c'est d'aller trop vite. On va aller trop vite. Oui. Voilà. Mais en même temps, on part toujours sur du speed à fond, tu vois. C'est ça, mais dans l'urgence, il y a quelque chose d'intéressant. Yeah, mais oui. Mais heureusement que, tu vois, on a un autre, le bassiste, lui, il nous ralentit. Il est calme. Il mais, comme, mais ça, c'est la majorité des bassistes le sont. Parce que et ben voilà. Et oui. Donato, qui est un musicien de jazz québécois, qui disait que la basse, c'est le plancher de la musique. Ben voilà. C'est pas fou, hein? Ben oui. Et c'est un bassiste aussi. Un ben oui, bien jazz. Sûr, bien sûr. Et il voit le côté confort. Ben les oui. autres en basse. Hier, je suis allé voir M. Bennett, c'est ouais. Tony Bennett. Et ouais. Tu voyais que le bassiste, là, c'est le gars très, très, très, très rassurant. C'est la base. Et ouais. Le vieil homme qui était batteur était incroyable. L'âge ne brise absolument rien. Ben oui. C'est comme le vin, hein? Bien sûr. Au contraire, ça s'améliore. N'attends pas que la neige de novembre couvre la toundra. Dans mes bras, babouchka, laisse-toi fort contre moi. N'attends pas que la neige de novembre couvre la toundra. Babouchka, j'ai vendu mon âme, mon démon slave, petite reine. J'ai perdu en chemin mes amis les plus braves. Vladimir et Babouchka, après ce que je peux te gagner, c'est des Gazprom. À cause de nous, je t'ai ni ni bras de bord, que ce que je voyais. Et ni des bras de gueule, je suis gagné. J'ai vendu Moujik, la complainte du soldat, petite reine du crise. J'arrive d'Odessa, plein de vodka. De vodka, de vodka. Dans mes bras, Babouchka, et serre-toi fort contre moi. N'attends pas que la neige de novembre recouvre la toundra. J'ai couru le pays, les républiques associées. Babouchka, j'ai vendu mon âme au démon slave. Mais ils prennent, les perdus en chemin, mes amis les plus braves. Les steppes gelées du nord, tu sais s'il reviendra. Reviendra. Dans mes bras, Babouchka, et serre-toi pour contre moi. N'attends pas que la neige de novembre recouvre la toundra. Se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a esta zona no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaran por decir. Se dormirán junto a las manías de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Las promesas de mi amor irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Yo no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Por qué te vas? Tony Bennett, 95 ans. Quelle voix! Quelle voix! 70 minutes de musique, 20 minutes d'instrument, prestations avant avec leur avec le groupe. Et tu as vu Tony Bennett arriver sur c'est Frank Sinatra qui l'amène. Ah oui? Un vieil enregistrement. Ladies and gentlemen, Tony Bennett. Et là, c'est Tony Bennett. Ah, c'était. C'était sublime. Où? C'était où? À l'Olympia de Paris. Ah oui. C'est le pire, c'est que c'est même pas un guichet fermé. Ah bon? Il restait 40-50 places. Ah oui. Ouais. Mais il s'en balance, c'est peut-être sa dernière tournée. Quoi qu'à 90 ans, il disait que c'était sa dernière tournée. Assez émouvant, ça, ouais. Mais il dit jamais que c'est la fin. Ben, si la vie m'oublie, si en haut la grande faucheuse m'oublie, ben, je serais encore là. Ouais. Mais quelle vivacité! C'est génial. C'est Et toi, génial. D'où tu prends cette énergie? Ah ben, moi, je suis un nerveux de nature. Ben oui, on voit. Et parce que tu sautais de la pâte. Tu vois, hein, voilà, c'est, papa, comme ça. Es-tu insomniaque? Non. Okay. Non, je l'étais quand j'étais pas bien, quand j'étais pas dans les périodes un peu dures, mais non, là, ça va. Ça va bien. C'est donc combien d'années que tu sens? Tu vois, j'ai commencé ma vie à l'envers et je pense que je suis devenu heureux vraiment à partir de 40 ans. Oui, il va nous embrasser. OK, 40 ans. Et c'est, ça ne cesse de s'améliorer. Toi, c'était pas la crise de la quarantaine, c'était, moi, c'était l'inverse. L'émerveillement du voilà. De la quarantaine, l'émerveillement. Ouais. L'ouverture. J'ai juste le temps de se remettre dans le bon sens. Voilà. Et heureusement, parce alors, que là... Alors, c'était pas le malheur pendant 40 ans, mais non. Je pense que... Mais tu partais en vrille. Ben, ouais, et puis je pense qu'il fallait que je me remette un petit peu d'aplomb. Tout ça, ça prend du temps. Et puis, les choses se font petit à petit. Mais t'as pas fait de cheminement psychanalytique ou... Si. Okay. Moi, j'ai fait une psychanalyse, justement, pendant plusieurs années, pour reprendre tout ça, mettre sur la table, bon, c'est quoi le problème, là? OK. Hein? OK. Et... On a des cadenas, on va ouvrir les cadenas. Voilà, avec voilà. Et tu t'aperçois pas, mais les choses se débloquent petit à petit, tout se débloque, tout se débloque. Ouais. Il faut laisser le temps, ouais. Laisse venir. Comme mais je pense que c'est bien, tu vois, de travailler sur oui. Ce... Ben oui. Bon, tout le monde n'a pas non plus le temps, ni la bon, chance, ni la chance, ni le besoin. Ouais, ouais. Mais moi, ça m'a permis de repartir positivement. Oui. Et d'en faire partager les gens à travers ta musique. Ouais. Ben oui. Et t'as-tu un nouvel album en cours, le groupe, est-ce qu'il travaille On a plein de chansons. Ouais. Le tout, c'est, que, le je... c'est que j'ai le temps de mettre des... Le groupe aussi, alors, le groupe, on les joue, si tu veux, mais après, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on les enregistre, et c'est au moment où on les enregistre que tout ça se fige. Donc, l'enregistrement, c'est pareil, c'est du temps. Il faut qu'on se mobilise, et puis qu'il y ait un travail d'écriture. Parce que j'ai aussi plein d'idées sur les écritures, mais ça, il faut le... Oui, s'arrêter. Cet été, je pense que on va travailler sur la plume. Mais nous sommes l'été actuellement, là, donc oui. Ça se fait bientôt. Là. Ça va se faire bientôt, en Bretagne. OK, tu pars dans quelques jours? Oui, oui. Sur une île, pour des vacances, oui. Et là, je pars toujours avec du matériel. OK. Et c'est souvent là que j'arrive à travailler beaucoup les paroles. Oui, parce que ça s'arrête, donc t'es pas dans l'effervescence de la ville, non, ouais. Dans l'urbanité. Il faut être au calme. Enfin, moi, c'est comme ça que je raisonne. J'aime bien être au calme pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir travailler. C'est pas facile de le faire quand t'as du monde autour de toi. As-tu des notes ou si tu vas partir de rien pour arriver à quelque chose? Ben, tu vois, parfois, j'ai des chansons, comme tu verras, justement celle-là, La Fabrique Botanique, c'est une chanson où je suis parti sur les sentiers côtiers de la Bretagne, sur une île, et j'avais un petit papier, j'avais la musique en tête, et j'étais là, je voyais, j'imaginais des tas de choses, et ça, je l'ai écrite comme ça, sur les sentiers côtiers. Et c'est un petit peu la Fabrique Botanique, c'est une espèce d'ode à la nature, à une espèce de fabrique botanique qui n'est que nature, qui n'est que utilisation de la nature, mais dans le bon sens du terme. Vénération de la nature. Et donc ça m'est venu comme ça, sur le bord du sentier. Mais ça, c'est assez rare. C'est des moments où tu es un peu... Hors de toi. Ouais, c'est j'avais rien. Tu sens que ça vient. Donc, oui, tu vois, j'étais dans la nature, je m'émerveillais avec tout ce que je voyais. Puis je me dis, il faut que ça vienne, il faut que ça sorte. Et en marchant, je sortais. Puis j'avais la musique en tête. Et je marchais, puis je m'arrêtais, j'écrivais un petit peu. Puis je continuais comme ça. Et ça, c'est un cadeau. Hein? Ah ouais. Et ça, c'est rare quand c'est aussi... Ah, oui, c'est ça. Tu vois, ça coule de source. 30 ans plus tôt, j'avais eu un peu les mêmes genres de d'aventure, aussi sur une falaise, mais là c'était pour une chanson très très triste. Sur le concept, c'était le gars qui plonge en mer et qui passe dans l'eau, et il y avait un petit truc. C'était au moment où j'écoutais de la musique, des musiques cold, de la cold wave, tu sais, dark, very dark. Et là aussi c'était venu très vite. Là j'avais ma guitare électrique et je Bon, c'était venu très vite, mais beaucoup moins joyeux que tout ça. Oui, c'est ça. C'était plus noir. C'était très noir. Mais c'était beau. Oui, mais... Alors, voilà, quand à ce moment-là, cette chance que tout arrive à ce moment-là, une autre chanson, ça c'est Bruce, la chanson de Bruce. C'est pareil, c'est venu en 2 heures. Mais la chanson, les paroles, tout, comme ça en 2 heures. C'est très rare. Donc c'est un bouquet, un cadeau. Ouais. C'était un cadeau pour une amie qui partait d'ici en Australie. Et je lui ai dit, mais tu vas rencontrer Bruce là-bas. J'ai beaucoup adoré les Monty Python. Et les Monty Python font des sketchs sur les Australiens. Et dans les sketchs des Monty Python, ils s'appellent tous Bruce, les Australiens. Hi Bruce. Oui, ils s'appellent tous Bruce. Et donc je lui ai dit, tu vas rencontrer Bruce là-bas. Et donc c'était la chanson de Bruce, tu vois. Et je lui ai amené pour son départ. Je lui ai dit, tiens, écoute ça. Et la chanson c'est Hey Sandy, my name is Bruce. Hi, B-R-U. You know what? I'm your next boyfriend. I've been waiting for you at Sydney Airport. C'est bon. Elle n'a jamais trouvé de Bruce là-bas, mais, non, mais la chanson est venue comme ça. Voilà. Un jour, son prince viendra, comme disait. Exactement. Ouais. Non, mais elle en a trouvé d'autres depuis. Ah, mais c'est ça. Elle a débroussé elle-même. Elle a débroussé, c'est ça. Voilà. Mais, merci d'être passé à mon émission. Je t'en prie. Moi, ça m'a fait plaisir. On va s'enivrer à ta musique. On va laisser percer. On va se laisser envoûter et surtout énergiser. Qu'on a besoin de l'énergie. Et c'est grâce à des aides comme toi que l'on arrive à faire quelque chose de constructif dans la vie. J'espère qu'on aura un jour l'occasion de venir jouer de l'autre côté de l'océan, que je connais bien. Oui. Je connais moins bien Québec que toi, mais, ça serait un rêve, tu vois, de venir jouer outre-Atlantique. Peut-être qu'un jour. Oui, il y a la francophonie. Parce que c'est vrai, vous êtes anglophone. Alors, on fait les deux. Oui. Là, sur cet album-là, c'est beaucoup de français. Là, c'est du franglais, il y a de l'espagnol, tu vois. On a fait aussi une reprise de Por qué te vas. Ok. Tu te rappelles cette petite chanson? Ah, c'est bon, ça. Dans un film aussi. Oui, c'est dans un film. C'est la chanteuse Jeannette qui chantait ça, la petite espagnole qui chantait cette chanson. C'est quoi dans les frontées? De Charlotte Gainsbourg. L'adolescent. Alors peut-être que c'est dans celui-là, mais c'est dans un film en 74, c'est sorti en 74, et je ne me rappelle plus le nom exact du film. C'est 81. Oui, Les Frontées, c'est plus tard, mais ça c'est sorti Por qué te vas en 74. Mais ça a été repris. Ça a été repris. Et c'était Jeannette, une petite jeune qui chantait ça en Espagne. Elle était espagnole. C'est vrai, quand tu l'écoutes, ça faisait un peu ça. Et c'est là-dessus? C'est sur le premier. Premier. Okay. Et tu verras, on a fait une reprise. Ça torche. Merci. Écoute. Et puis à la revoyeuse. Écoute, et merci pour tes albums. Et puis, est-ce que votre radio, on peut l'écouter? Oui, c'est KRL. Ah oui, c'est KRL, qui est la première radio associative francophone au monde. Et je te remercie. Et sur Gargoyle, FR ou CA ou .com, tu fais CKRL. Tu vas voir le lien. Le premier site de CKRL, c'est nous. C'est ckrl.qc.ca. D'accord. Et mon émission, je vais t'envoyer l'enregistrement. Oui. Et on va se suivre. Je vais dire à quel moment tu seras diffusé. D'accord. Et ça va me faire plaisir de proposer ta musique et de le remettre au directeur musical qui, lui, va placer ça dans l'ordinateur. Et la nuit, c'est l'ordi qui choisit les chansons et tu seras diffusé aussi la nuit. Génial. Et ne t'en fais pas, tu es suivi de près. Merci. Merci, Réal. À bientôt. Et bon séjour. Hein. Merci. Yes, you can ride my bike. parce que je n'aime que le mien. Maybe je love you very beaucoup. Peut-être I t'aimerai always partout. Si je vous ai bien compris,